On a fait addition. Ouais, maman, les jours. Il est pour nous faire soustraction. Ouais, maman, les jours. Il est pour nous faire multiplication. Ouais, maman, les jours. Il est pour nous faire fraction. Ouais, maman, les jours. Il y a beaucoup de réunis plus jeunes, non. Ouais, maman, les jours. Mais les jours, mais les jours, oui, les jours. Ouais, maman, les jours. Levez pour faire café. Ouais, maman, les jours. Attention, il petit et à maman. Déshabillé sous maman. Ouais maman les jours. Pour m'abgader dans vitrine. Ouais maman les jours. Pour m'abgader sans cucu. Sans cucu. Ouais maman les jours. Tu me la pour mes connu. Combien Laïté connu. Laïté. Pour mes connu. Combien Laïté connu. Laïté. Pour mes connu. Combien Laïté connu. Laïté. Jaza c'est bouillon. Quitte au Laïté. Jaza c'est bouillon. C'est bouillo qui t'a en laïté. Tiens, ça c'est bouillo qui t'a en pomme. Dis mesdames pour mes connu. Pomme. Laïté connu. Laïté. Pour mes connu. Pomme. Laïté connu. Laïté. Pour mes connu. Pomme. Laïté connu. Laïté. Tiens, ça c'est bouillo qui t'a en laïté. Tiens, ça c'est bouillo qui t'a en pomme. Tiens, ça c'est bouillo qui t'a en laïté. Gonzalo. mais je barre la dame. Patouf tampio, met patouf. Ouais maman les jours. Wap met ton co déshabillé sous maman. Ouais maman les jours. Comme abgadé ou dans vitrine. Ouais maman les jours. Wap pété, sans kiki. Ouais maman les jours. Jo maman les jours. Ouais maman les jours. Jo maman les jours. Ouais maman les jours. Aïe, dis mesdames, pour mes connus. Pour mes. Laïté connus. Laïté. N'a pas été connu, n'a pas été connu, mais seulement pas fixé. Parce que tout excès, c'est un grès 9 mois.